Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka ! Elle existe partout autour de nous, depuis la formation de notre planète. La radioactivité n'est pas une invention humaine. Mais depuis 1896, depuis sa découverte fortuite, à cause d'un ciel gris de Paris, elle est devenue un sujet d'étude majeur. La compréhension de ses mécanismes, l'aventure de l'atome, jusqu'à l'invention de la radioactivité artificielle, ont ouvert les portes de notre ère atomique et au grand bouleversement du XXe siècle. Radioactivité, née sous X, c'est notre découverte du jour, une découverte irradiante. Bienvenue dans Eureka. Camila Mayani, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en physique et responsable de la médiation au musée Curie. Nathalie Pijard, bonjour. Nathalie Pijard. Bonjour. Ah bonjour, vous êtes avec nous. Vous êtes docteur en histoire des sciences, ingénieur CNRS et directrice adjointe du musée Curie. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Avant d'explorer l'histoire de cette découverte, je voudrais qu'on définisse bien de quoi on parle. Camila Mayani, pour trouver de la radioactivité, pas besoin d'aller dans une centrale nucléaire. Tout à fait. En fait, la radioactivité, alors les matériaux radioactifs se trouvent dans le sol, un peu partout dans le monde. Ce sont des matériaux comme l'uranium, en plus petite quantité le radium, le polonium, qui ont la caractéristique d'émettre des rayonnements que les physiciens appellent ionisants, c'est-à-dire qu'ils ont une action sur le biologique, les plaques photo par exemple, le papier photo, et ils font ça en continu. On appelle ça une émission spontanée, c'est-à-dire que nous on peut rien faire pour l'arrêter ou pour la déclencher, l'uranium, il va émettre ce rayonnement tout le temps, tant qu'il existe. Alors ce rayonnement, le fonctionnement, on le comprend, la réponse se trouve au cœur de la matière. Tout à fait. En fait, on a découvert, après quelques années de recherche, que ce qui se passe, ces rayonnements, ils proviennent vraiment du noyau atomique qui constitue la matière. Hein. Toute matière est constituée d'atomes. Ces atomes sont composés d'un noyau et dans ce noyau se trouvent différentes particules. Alors, certains atomes, comme l'uranium, sont très instables, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans le temps. Ils ne sont pas égaux à eux-mêmes dans le temps. Ils se transforment en fait dans des échelles temporelles plus ou moins longues, et c'est pendant cette transformation qu'ils vont émettre en fait des morceaux de noyaux et de l'énergie tout au long de leur vie. Alors comme dans un bout d'uranium il y a énormément d'atomes, on a l'impression que ce phénomène est constant, puisque à tout moment il y aura au moins un atome qui sera en train de se transformer en quelque chose d'autre. Et c'est que la plupart des éléments sont stables, sauf un de ces rares cas, l'uranium. Tout à fait. Alors, heureusement, la plupart des éléments sont stables parce que nous-mêmes, on est constitués d'atomes stables et donc, en principe, on ne se transforme pas à ce niveau-là au cours de notre vie. Il y a certaines exceptions et c'est ça qu'on appelle les atomes radioactifs. Ce sont des atomes qui, alors parfois à des échelles de temps très longues, l'uranium se transforme sur une échelle de temps de quelques millions d'années, se transforment constamment et émettent ces rayonnements que nous, aujourd'hui, on sait être quand même un peu dangereux. C'est ce phénomène. Enfin, de quoi parle-t-on encore? On parle de phénomène de désintégration. Alors là, on parle vraiment du fait que le noyau atomique, spontanément, quand on parle de transformation, c'est qu'il va perdre des morceaux. Alors souvent, ça arrive à des atomes qui sont ce que les physiciens définissent comme étant très lourds. Alors le mot lourd, il nous parle, hein. Ils sont lourds dans le sens où ils ont un très grand nombre de particules qui constituent leur noyau et ils sont à cause de ça très instables. Je simplifie beaucoup, mais ce qui peut se passer, c'est que cette instabilité, elle va causer à un moment quelconque, en fait, aléatoire, que le noyau, il se casse et il perde un bout. Alors, un noyau atomique, je ne sais pas si vous voulez qu'on y arrive tout de suite. Allez-y. Il est caractérisé par le nombre de protons positifs qui le constituent, Donc le proton est une particule constituant le noyau chargé électriquement. Et donc on sait, quand on est à l'école, on l'étudie, peut-être on l'oublie, que deux charges positives se repoussent. Alors dans un atome, dans un noyau d'uranium, il y a beaucoup de protons, ils se repoussent tous, il y a une autre force qui compense et qui les tient ensemble, mais il y a un moment où en fait les protons vont plus pouvoir rester ensemble et l'atome va se désintégrer. Et dans cette désintégration, donc c'est une véritable transformation, il va perdre un de ses protons. Et il va donc changer de nature. Et si on se souvient du tableau de Mendeleïev, le tableau où on classe tous les éléments chimiques que l'on connaît, on va vraiment se déplacer d'une case à l'autre quand on fait une désintégration nucléaire. Et en tout cas, c'est ce phénomène de désintégration qu'on appelle la radioactivité. Tout à fait. La radioactivité, alors c'est un mot qu'on utilise pour plein de choses. On dit que le matériau est radioactif, l'émission est radioactive, donc ce qui est éjecté comme un projectile du noyau atomique. Et on appelle ça la radioactivité. On a appelé ça la radioactivité même avant de savoir ce que c'était en fait. Alors l'activité des atomes qui se désintègrent, ça se mesure en becquerel. Alors oui, le becquerel, c'est l'unité que moi je préfère, c'est la plus simple parce que c'est le nombre de désintégrations par seconde qui vont avoir lieu. Après, il y a tout un tas d'unités, selon l'usage qu'on peut faire, qui vont nous renseigner sur, par exemple, le niveau de dangerosité d'une certaine radiation plutôt que d'une autre, et ça, qui vont être plutôt utilisées en radioprotection. Donc le becquerel est, disons, l'unité de base pour les physiciens, mais pas forcément pour toutes les personnes travaillant en radioactivité. Oui, un atome se désintègre en une seconde, ça fait un becquerel. 10 atomes en 10 secondes, 10 becquerels. C'est ça. Voilà. Nathalie Pijard, avant 1895, avant cette date clé, que sait-on, que savons-nous de l'atome ? Alors là, c'est une question qui est un peu polémiste parce que en France, en tout cas, il y a deux écoles. Il y a les écoles des physiciens et des écoles des chimistes. Ce sont deux disciplines qui se sont créées aux alentours de la Révolution française. Avant, on parle de sciences naturelles ou d'autres, de philosophie. Et donc, ces disciplines vont se créer en affirmant une identité forte l'une contre l'autre. Et les chimistes, il va y avoir, est-ce que oui ou non, on doit rechercher de quoi est constituée la matière, puisqu'on ne peut pas voir la matière absolue, est-ce qu'on a raison de se poser la question ? On va admettre la notion d'atome, parce que c'est un peu pratique, ça permet aussi de ne pas penser la continuité de la matière, mais au contraire la discontinuité. Mais il va y avoir, avec l'utilisation de cette notion d'atome, beaucoup d'exceptions à plusieurs expériences scientifiques. Et un grand monsieur qui s'appelait Jean-Baptiste Dumas va rayer le mot atome de la science française en 1836. Parce que justement, l'atome n'est qu'une hypothèse, on ne peut pas le voir. Et réintégrer l'hypothèse dans la chimie, c'est la replacer à son rang d'alchimie. En gros, c'est très simplifié, c'est très caricatural ce que je vous raconte là, mais c'est un peu ça. Pendant ce temps-là, les physiciens, eux, travaillent de leur côté. Et puis, il va y avoir une école à la fin du 19e siècle qui va militer, après le grand congrès des chimistes, un congrès international, qui va militer pour qu'on réintègre cette notion d'atome, notamment au niveau de la notation, parce que sans l'atome, on ne peut pas concevoir la place de l'atome dans la molécule, et on en a besoin pour développer l'industrie, pour développer la synthèse atomique. Et donc en France, l'atome, on peut dire qu'il n'existe pas chez les chimistes jusqu'en 1894 ou 96. Il est rayé des manuels scolaires. On parle en poids équivalent, on ne parle pas en poids atomique et on n'introduit pas cette hypothèse. Et à partir de quand, justement, un physicien et chimiste commencent à travailler ensemble sur cette question ? Ben c'est justement cette école d'atomistes qui va beaucoup militer pour réintégrer cette notion d'atome dans la chimie, va commencer à travailler avec les autres chimistes internationaux qui sont venus dans les laboratoires des atomistes français, comme Lebel, Van't Hoff, Arrhenius Van't Hoff. Et eux vont travailler aussi avec des physiciens. Et à partir du moment où on va commencer à travailler sur de quoi la matière est faite, ces rayonnements, hein, même les rayons X, même on va y avoir l'électron en 95 aussi, puis la radioactivité, c'est une nouvelle science qui va naître, qui est complètement paradoxale, puisque cette science, ça va être la physique-chimie, c'est-à-dire qu'elle va réunir deux disciplines qui ont mis un siècle à créer leur identité en s'opposant l'une à l'autre, en France, je précise toujours en France. Voilà. Donc il y a déjà deux ans qu'Henri Becquerel, mon oncle, avait annoncé le 1er mars 1896 à l'Académie des sciences la découverte de la radioactivité. Les minéraux, les sels de l'uranium, projettent nuit et jour un rayonnement invisible, traversant les corps opaques, impressionnant les plaques photographiques, ionisant l'air et déchargeant les électroscopes. C'est alors qu'en février 1898, interviennent deux jeunes savants, Pierre et Marie Curie. Le 12 avril 1898, elle révèle à l'Académie que les sels de thorium sont doués de la même propriété radiante qu'elle a appelée la radioactivité. Peu après, son mari se joint à elle pour mesurer avec sa méthode si précise de l'électromètre et du quartz piézoélectrique l'intensité de radiation des divers minéraux d'uran. La pecblinde, minerai impur d'oxyde d'uran, manifeste une radioactivité quatre fois plus grande que sa teneur en uranium. Elle doit donc contenir, pense-t-il, un élément chimique nouveau en petite quantité qui a échappé à l'analyse. Le 18 juillet 1898, Pierre et Marie Curie annoncent à l'Académie l'existence d'un premier élément radioactif associé au bismuth et 400 fois plus actif que l'uranium. En souvenir de la Pologne, ils l'appellent le polonium. Ils découvrent le deuxième élément. Comme il est d'une étonnante activité, ils le présentent sous le nom de radium à l'Académie le 26 décembre 1898. Une archive de 1948 qui vient de spoiler, de divulgâcher tout le déroulé de notre émission. Alors la découverte de la radioactivité croise différentes découvertes scientifiques. On peut commencer cette histoire avec la découverte des rayons X, il me semble, Camilla Mayani. Tout à fait. En tout cas, nous, au Musée Curie, on aime bien faire ça parce que les rayons X ont quand même changé le regard des physiciens de l'époque sur les rayonnements. Ils ont mis l'attention sur le concept de rayonnement. Alors, il y avait certes les rayons cathodiques déjà qui avaient été découverts. Mais là, on regarde un phénomène étrange qui a été découvert par Wilhelm Röntgen en 1895. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on appelle un tube de Crookes, on peut produire un rayonnement qui va non seulement laisser des traces sur des plaques photo, mais avec lequel on peut voir le squelette humain. On peut faire c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les radiographies. Et ça va faire le tour du monde très très rapidement et arriver aussi jusqu'en France. Ça va être la petite graine à partir de laquelle on va trouver la radioactivité. Oui, c'est-à-dire que en plus ce Wilhelm Röntgen, c'est le premier Nobeliste. Alors tout à fait, là, c'est vraiment les débuts du prix Nobel. Donc son expérience va être a aussi l'intérêt d'être très facilement reproductible, comme on aime dire en physique, c'est-à-dire que l'instrument qu'il utilise, il est très connu dans les laboratoires de physique autour du monde, il est utilisé depuis longtemps. Des versions moins sophistiquées existent depuis très longtemps pour étudier les décharges électriques dans les gaz. Et donc très vite, alors dans le cas, si on s'intéresse à la radioactivité, ce qui est assez intéressant, c'est que on va présenter cette expérience. Alors c'est pas lui, hein, ça va être traduit en français et présenté à l'Académie des sciences à Paris. Cette expérience et cette découverte phénoménale, un nouveau type de rayonnement, à une époque où il y a encore des sceptiques par rapport aux rayons, tout comme disait Nathalie, il y a des sceptiques par rapport à l'atome. Et Henri Becquerel va être présent à cet événement et va très rapidement s'intéresser à la question. Avant de parler de Henri Becquerel, Nathalie Pijard, comment on l'évoque un peu, mais comment cette découverte de Röntgen change, en tout cas, le regard des physiciens à l'époque ? Le regard des physiciens, en fait, c'est un regard qui va presque d'un seul coup se baser non plus sur la physique à grande échelle, mais justement sur une physique de la matière, de la plus petite matière. Et donc c'est un regard qui va aussi s'intéresser à la constitution de la matière. Et en ça, c'est un regard qui va rejoindre justement les écoles des chimistes atomistes. On Camilla a parlé des tubes de Crookes qu'on connaît depuis déjà quelques temps. Il faut savoir que ces tubes de Crookes dans lesquels on fait le vide et qu'on fait passer des particules, on parlait déjà de matière radiante sans trop savoir ce que c'était cette matière qui passait à l'intérieur du tube de Crookes. Donc on commence à s'intéresser à l'infiniment petit. Et c'est en ça que ça va être assez révolutionnaire. France Culture, Eureka, Natacha Triou. L'année suivante, en 1896, un physicien français, Henri Becquerel, s'intéresse aux rayons X et va faire une découverte majeure. Mais est-ce qu'on peut présenter ce personnage, Nathalie Pijard ? Bon, Henri Becquerel, c'est vraiment le scientifique, le savant, je dirais institutionnel. Il est issu d'une longue lignée de savants. Son père, son grand-père travaillaient déjà au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, c'est un savant qui est bien assis à l'Académie des Sciences, qui a un réseau assez important, et qui a une notoriété qui dépasse un peu son laboratoire du muséum. Donc, quand Henri Becquerel s'intéresse à une découverte, on peut se dire que beaucoup de scientifiques vont s'y intéresser très vite. Voilà. Camilla Mayani, hein, sur les champs d'études d'Henri Becquerel. Alors, Henri Becquerel, et je pense que c'est quelque chose qu'il a hérité de sa famille, Nathalie, tu me corrigeras si ce n'est pas le cas, il s'intéresse notamment beaucoup à l'uranium. Et lui, il est très intéressé par les phénomènes de phosphorescence, fluorescence, issus de matériaux type l'uranium. Il faut savoir que c'est un matériau quand il est associé avec d'autres matériaux, il produit de la phosphorescence. Et d'ailleurs, c'est ça qui va l'amener à étudier l'uranium et à découvrir la radioactivité. Donc lui, il est vraiment dans l'étude de certains minerais et c'est quelque chose qu'il a commencé à faire avec son père, hein, qui était un grand expert d'uranium. Donc c'est un héritage familial. Alors pourquoi s'intéresse-t-il au rayon X ? Alors lui, alors en tout cas, je vous raconte l'histoire qui est racontée par les scientifiques eux-mêmes. Il est présent à cette présentation qui est complètement fabuleuse. Hein. Tous les physiciens, enfin du monde, sont complètement fascinés par cette découverte de William Röntgen. Et il a quand même l'idée d'associer ses études à l'uranium à cette découverte des rayons X, parce que dans les tubes de Crookes, quand on produit des rayons X, on produit aussi de la phosphorescence. Et donc il se dit que peut-être il y a un lien entre les deux phénomènes, et peut-être que la phosphorescence de l'uranium produit elle aussi des rayons X. Alors les rayons X sont invisibles, hein, on l'a pas dit, mais on les voit pas à l'œil nu. Et donc il se dit que pourquoi pas, peut-être qu'il est passé à côté de ça dans ses études, et c'est en tout cas c'est comme ça qu'il commence ses recherches. Très rapidement, il va passer à autre chose. Il va se rendre compte qu'il n'y a pas de production de rayons X dans l'uranium, mais c'est ça la raison pour laquelle il va vraiment se focaliser là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut un peu raconter comment il a procédé justement ? Alors lui, il va donc il a à sa disposition, il travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il a à sa disposition toute une collection de minerais et d'uranium plus ou moins pur, et il va regarder en fait les traces laissées sur des plaques photographiques. Donc aujourd'hui, alors on a les détecteurs de nos caméras, mais enfin le papier photo d'antan laissé par les rayonnements d'uranium. Alors il faut dire que la phosphorescence de l'uranium fonctionne comme ça. Comme toute phosphorescence, on va mettre des sels d'uranium à la fenêtre, elles vont attraper du soleil, elles vont faire de la bronzette, et puis quand on les met dans le noir, elles vont recracher l'énergie qu'elles ont récupérée du soleil sous forme de lumière phosphorescente. Donc lui, c'est ça qu'il fait, en fait. Il va mettre ces sels d'uranium à la fenêtre, puis il va les mettre, les couvrir, hein, pour qu'ils prennent plus d'autres lumières, il va les mettre à côté d'une plaque photo et voir ce qui ce qui reste sur la plaque pour voir s'il y a des rayons X qui, eux, ne sont pas stoppés par des couches de papier noir comme la phosphorescence. Et le jour fatidique, le 26 février 1896. Voilà, alors il y a tout un récit qu'il fait lui-même dans sa présentation à l'Académie des sciences où il raconte de comment ce jour-là, il n'y avait pas de soleil, Paris était pluvieuse, comme ça arrive souvent. En février, oui. En février, voilà, c'est pas super. Et donc, il va mettre son expérience dans un tiroir sans avoir chargé les sels d'uranium. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, et c'est d'ailleurs une question intéressante que certains historiens se sont posées, il va retrouver ces plaques photos qui n'ont pas été utilisées, en principe, puisqu'il n'a pas chargé l'uranium au soleil, et il va quand même décider de les développer, et il va se rendre compte que malgré le fait que l'uranium n'ait pas été exposé au soleil, donc il n'y a pas d'émission phosphorescente du tout, il va trouver une trace sur le papier photo. Alors, quand on dit une trace, c'est vraiment des taches noires, comme si on avait exposé le papier photo à de la lumière. Et c'est une découverte assez fabuleuse parce que voilà, ça veut dire que l'uranium a spontanément, hein, c'est le mot qu'on disait tout à l'heure, émis du rayonnement capable de traverser le papier noir et d'arriver sur la plaque photo. Stupéfaction, c'est ça, c'est ce sont ses conclusions. Alors oui, ça va prendre un petit temps pour qu'il comprenne vraiment ce qui est en train de se passer, qu'il fasse des propositions. Il va publier, je ne sais plus si 3 ou 4 articles très rapidement. Voilà, on est vraiment dans le domaine du hasard. Après, il y a des interprétations de certains historiens qui disent que avant l'époque des rayons X, où les physiciens ne croyaient pas vraiment à l'existence des rayonnements, on pensait que c'était quelque chose d'un peu ésotérique. Il y avait eu déjà, notamment, Nips de Saint-Victor, qui était connu pour ses capacités, ses connaissances en termes de photographie, qui avait vu des phénomènes de ce type-là et qui avait fait des hypothèses comme quoi il existerait des rayonnements émis par l'uranium. Et que Becquerel aurait pu avoir ça derrière la tête quand il a fait cette expérience. Mais bon, c'est des hypothèses. Lui, en tout cas, il raconte cette journée fatidique et puis les étapes successives de ses analyses. Ces rayons uraniques que présente Becquerel en 1896, comment est-ce perçu par la communauté scientifique, Nathalie Pijard ? Par la communauté scientifique, en fait, les rayons X ont tellement le vent en poupe que l'expérience de Becquerel va être perçue comme très intéressante et à reproduire. Mais bon, est-ce que c'est vraiment à réfléchir ? Là, les scientifiques sont, moi, les physiciens sont un peu axés surtout sur les rayons X. On le voit parce qu'en fait, c'est pas une expérience, c'est pas un résultat d'expérience qui va être communiqué par la presse. La découverte de Becquerel ne va pas avoir un impact immédiat dans la presse, même de vulgarisation scientifique. Elle va en avoir un petit peu, bien sûr, mais c'est rien par rapport à ce qu'a pu avoir les expériences de Röntgen. Camilla Amayani ? Oui, et aussi, juste pour compléter, au niveau de la communauté scientifique, là on est sur un phénomène qui quantitativement a l'air très très faible en fait. Alors il fait ses mesures avec des plaques photo, donc il peut pas mesurer combien de rayonnement il reçoit par seconde, hein, le célèbre Becquerel qui n'existe pas encore. La communauté scientifique a l'air de penser que c'est un phénomène un peu secondaire par rapport aux rayons X qui sont un phénomène physique majeur, que là, oui, on est dans une émission radioactive naturelle, on ne l'appelle pas encore comme ça, mais qui est très faible et que donc n'aura pas un impact très gros sur la vie de la planète, la physique fondamentale, etc. Ce qui est bien sûr faux avec le regard de lui. Mais... Il teste aussi avec différents cristaux qui ne fonctionnent pas, s'ils ne contiennent pas d'uranium. Tout à fait, il va tester plusieurs matériaux. Alors, ce qui limite assez rapidement Becquerel, qui va quand même faire beaucoup de mesures aussi quantitatives, c'est que quand on va dans le quantitatif, en radioactivité, il va essayer de faire en fait des expériences similaires à celles qu'a proposé Röntgen pour les rayons X, c'est-à-dire qu'il va vite transformer ce rayonnement en électricité, le convertir en électricité par des instruments qui existent à l'époque et mesurer cette électricité. Mais là, il sort un petit peu de son domaine sa zone de confort, on va dire. Il va se faire un petit peu aider par d'autres physiciens du muséum, mais il ne parvient pas à faire des mesures très précises de ces émissions par les mesures d'électricité parce que c'est pas son domaine d'expertise. Principalement. Donc il va y travailler une année, il va quand même dire des choses très intéressantes sur ce rayonnement et notamment il va pouvoir dire que ça n'est pas des rayons X, que c'est un phénomène complètement différent. Mais au bout d'un an de recherche, il va un peu arriver à la limite de ses questionnements. Pierre et Marie Curie au Panthéon, c'est la décision de François Mitterrand. Pierre et Marie Curie, dit le chef de l'État, c'est en effet l'esprit d'aventure et de responsabilité. Les implications de leur découverte peuvent être terribles. Nous en sommes tous les héritiers. Mais il est un autre symbole qui retient ce soir l'attention de la nation. Celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques, enfin qui les réserve trop souvent. C'est maintenant qu'intervient Marie Curie, la femme de toutes les premières, la première femme à entrer au Panthéon en 1995, première femme professeure à la Sorbonne, ce qui fera écrire à un journaliste de l'époque. En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Nathalie Pijard, est-ce qu'on peut présenter cette Maria Słodowska, née à Varsovie? Alors déjà, il faut pas oublier que je reprends sur ce que Camilla a dit. Donc Becquerel avait des problèmes pour mesurer cette électricité, et c'est une personne qui va résoudre ça et avec lequel Marie Curie va travailler, c'est Pierre Curie. Donc il faut pas oublier dans l'histoire de Maria Skłodowska le rôle de Pierre Curie. Maria Skłodowska, elle a eu un avantage immense. C'est d'être née à la fin du 19e siècle et en plus en Pologne. Pourquoi en Pologne? Parce que si elle était née en France, elle n'aurait pas eu l'enseignement secondaire de qualité qu'elle a eu en Pologne. Je rappelle qu'en France, les jeunes filles n'avaient pas eu le droit à l'enseignement secondaire avant 1881. Donc elle est en Pologne, l'enseignement secondaire est de telle qualité que le diplôme de fin d'études donne l'équivalence immédiate au baccalauréat masculin français. Donc déjà, c'est une Polonaise. Ensuite, elle est née à la fin du 19e siècle et elle arrive en France à un moment où on est en pleine expansion de l'industrie chimique de pointe, les colorants, les médicaments, mais aussi l'industrie électrique. Alors il y a bien une crise un petit économique en agriculture, mais en général, on est vraiment dans une période de prospérité des inventions scientifiques applicables à l'industrie. Et pour l'appliquer à l'industrie, il faut des gens qualifiés sur le marché du travail. Or, la France est très, très majoritairement illettrée. Pas forcément analphabète, on a eu les lois Ferry, mais illettrée. Et comme sur le marché du travail, on manque de personnel qualifié, dans ce cadre-là, on accepte très facilement les femmes et les immigrés. Et Maria Skłodowska est à la fois une femme et une immigrée. Quand elle rencontre son futur mari Pierre Curie, comment travaillent-ils ensemble? Elle rencontre Pierre Curie parce qu'elle est confrontée à un problème scientifique qu'elle ne peut pas résoudre. Elle a redoublé sa première année de physique. À l'époque, on passe la licence en un an, donc c'est une toute jeune physicienne. Son mentor, Gabriel Lippmann, lui a obtenu une bourse de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et pour cette bourse, elle doit travailler sur les propriétés magnétiques des métaux ferreux. Or, elle ne connaît pas ce domaine-là. Et c'est pour justement l'aider qu'on va lui faire rencontrer un grand spécialiste du magnétisme. Il y en a deux en France. Il y en a un qui s'appelle Jacques Curie, qui est à Montpellier, et l'autre qui s'appelle Pierre Curie, qui est à Paris. Et donc, on va les faire se rencontrer et suit une belle histoire d'amour. Marie Curie se lance alors dans l'idée de faire une thèse, et pour ça elle a besoin d'un laboratoire. À l'époque, on fait une thèse de façon bénévole, ça n'existe pas les bourses de thèse. Elle a bien le laboratoire de Lippmann où elle est toujours très bien accueillie, mais il est vrai qu'avec Pierre Curie, ils forment un couple assez introverti. Et donc, Pierre Curie va demander à ce que sa femme puisse travailler avec lui dans son laboratoire de l'école municipale de physique chimie industrielle de Paris. Cette école est dirigée par toute une clique de chimistes qui travaillent avec des femmes dans les laboratoires depuis 1874, même 68. Ça ne leur pose aucun problème d'accepter que Marie Curie vienne travailler avec son mari à l'école de l'ESPCI aujourd'hui. À quel moment le duo Curie s'intéresse au rayon uranique de Becquerel et pourquoi? Alors d'abord c'est Marie Curie, on suppose avec le soutien et en discutant aussi avec son mari, hein, mais nous tout ce qu'on a c'est les notes, c'est des notes en fait dans des cahiers, donc qui sont assez succinctes. On voit que elle commence à noter une petite bibliographie autour du sujet, parce que Becquerel n'est pas le seul qui a travaillé là-dessus. Et ce que disait Nathalie, je pense c'est la bonne clé de lecture, c'est que Pierre Curie est un expert de magnétisme, il est aussi un expert d'électricité, c'est un constructeur d'instruments qui sait très bien utiliser les instruments qui à l'époque sont déjà utilisés par les groupes concurrents, enfin ceux qui deviendront les groupes concurrents, comme étant des instruments pour mesurer la radioactivité. On en est au tout début de la science de la radioactivité, le mot n'existe pas encore, mais on sait déjà qu'on peut faire ce qu'on disait tout à l'heure, convertir, hein, entre guillemets, de la radioactivité en électricité avec ce qu'on appelle aujourd'hui une chambre d'ionisation, et la mesurer en tant que charge électrique avec ce qu'on appelle un électromètre à cadran. Et ces instruments-là existent dans le laboratoire de Pierre Curie, qui est un expert de ces instruments. Et donc, c'est fort probable que pour sa thèse de doctorat, elle ait choisi un sujet qui est à la fois innovant, mais pas très populaire. Les rayons X auraient été un suicide pour une jeune chercheuse à ses débuts, et pour lequel elle a les outils et l'expertise nécessaires pour faire quelque chose de relevant. Alors à partir de novembre 1897, Marie Curie décide de rechercher systématiquement les rayons uraniques. Alors tout à fait. En fait, ensemble avec ses instruments, par le réseau scientifique de Pierre Curie, qui est quand même déjà assez développé, il a 8 ans plus qu'elle, ça fait longtemps qu'il fait de la recherche, elle va pouvoir obtenir tout un tas d'échantillons de matériaux contenant ou pas de l'uranium. Et son idée, son questionnement de recherche initialement, est d'essayer de voir est-ce que d'autres éléments chimiques, d'autres matériaux que l'uranium émettent ce même type de rayonnement. Et donc elle veut, donc d'abord elle doit mettre en place une méthode de mesure de la radioactivité qui soit quantitative, contrairement aux plaques photo de Becquerel, c'est-à-dire on peut vraiment mesurer une intensité d'émission. Et puis elle va commencer à comparer. Alors dans ses cahiers de notes qui sont sur Gallica, hein, la plateforme de la Bibliothèque nationale de France, on peut voir des tableaux et des tableaux avec différentes substances, différents composés d'uranium et des mesures de ce qu'elle mesure comme émission. Et alors justement, comment continue-t-elle de procéder? Qu'est-ce qu'elle comprend de ces rayonnements? Alors c'est assez incroyable, parce qu'assez rapidement, donc elle va probablement avec l'aide de Pierre, hein, toujours qui a le scientifique chevronné derrière sa démarche, elle va se rendre compte que un minerai d'uranium, la pêche blinde, hein, qu'on a entendu dans l'enregistrement de tout à l'heure, donc qui contient de l'uranium, émet plus de rayonnement qu'attendu. Ça veut dire que on connaît à l'époque la composition chimique de la pêche blinde, en tout cas on pense la connaître. Dedans il y a de l'uranium, on sait combien d'uranium il y a dans tant de pêche blinde, on sait combien émet de rayonnement l'uranium, et donc en faisant juste un petit calcul, elle se rend compte qu'en fait son échantillon de pêche blinde émet beaucoup plus que ce qu'émet l'uranium qu'elle contient. Et donc elle en conclut quelque chose de tout de suite assez frappant, c'est que dans le minerai d'uranium, il doit y avoir au moins un autre élément chimique radioactif qui émet beaucoup plus que l'uranium. Et donc on arrive ? On en arrive à la découverte de deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. Le polonium, comme on l'entendait dans l'archive, qui a été baptisé en hommage à la Pologne. Nathalie Pijard, par rapport à cette découverte que fait le couple Marie Curie, Paul et Marie Curie, pardon. Pierre, pardon. Tout faux, pardon. Oui, en fait, Camilla a vraiment pointé un détail, une importance, c'est le réseau de Pierre. C'est l'expérience de Pierre. Pierre Curie est un élève de Jacques Friedel, qui a son fils qui est aux mines, qui est professeur aux mines. Donc oui, elle peut bénéficier d'une multitude de minerais pour tester. Pierre Curie est un personnage qui a construit des instruments, qui en a breveté, donc il est aussi en relation avec les industriels. Il est dans une école d'ingénieurs. Donc on peut mieux travailler sur les techniques de mesure. Il est issu lui-même donc de ses professeurs de l'école atomiste de chimie. Donc il, en tant que physicien, il n'est pas opposé à l'étude de la matière, à se demander d'où viennent ces rayonnements, comment on peut les mesurer, même si c'est dans l'infiniment petit. Donc en fait, Marie Curie, à travers Pierre, va bénéficier de tout un réseau qui, bien après la découverte, va être encore d'une importance capitale pour le développement de cette découverte, pour la sociabilisation, pour les, même les développements médicaux et pour sa carrière entière, quoi. Camilla voilà. Mayani. Oui, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, en fait, j'ai oublié peut-être un aspect qui est important à comprendre aussi dans ce contexte-là et celui de Pierre, c'est que Marie Curie, dans la première publication, qui est la seule, il me semble, qu'elle signe toute seule, après elle sera rejointe par Pierre Curie, elle dit quelque chose aussi de la radioactivité, qui est important pour ce qui viendra après, c'est que elle a fait des analyses de radioactivité pour montrer que finalement ce phénomène-là est indépendant des conditions extérieures de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il est indépendant de la température, de la pression, de l'état chimique du matériau. Ça veut dire que ça n'est pas un phénomène chimique. Et elle va écrire tout de suite que selon elle, il s'agit d'une propriété atomique de la matière. Et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que dit Nathalie, parce que elle est vraiment dans un groupe d'intellectuels et de scientifiques qui sont atomistes en fait, et elle baigne dans cette culture-là. Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon, vinyle. Évangile, mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle. Tu m'irradieras encore longtemps. Bien après la fin, tu m'irradieras encore longtemps, au-delà des portes closes. Le dimanche à Tchernobyl, j'harangue le soleil, j'harangue les sardines, dans la rougeur des canaux. À la centrale, il y a carnaval, Java, Javel, cerveau, vaisselle. Chaque jour se rit de moi, à de l'or. Tu m'irradieras encore longtemps, bien après la fin. Tu m'irradieras encore longtemps. Dimanche à Tchernobyl d'Alain Bachung à 16h37 sur France Culture pour Eureka. Car nous parlons aujourd'hui, non pas des centrales nucléaires, mais d'une découverte qui irradiera encore longtemps, la découverte de la radioactivité, avec nos deux invités du jour, Nathalie Pijard, docteur en histoire des sciences, ingénieure CNRS et directrice adjointe du musée Curie, et avec Camilla Mayani, docteur en physique et responsable de la médiation au musée Curie. Alors, la découverte en 1898 du radium et du plutonium, cette découverte sera à l'origine du prix Nobel en 1903 sur les radiations. Marie Curie devient alors la première femme à recevoir cette distinction, Nathalie Pijard. Oui, c'est vrai que Marie Curie est la première femme à avoir reçu le prix Nobel. Elle sera même la seule à en avoir reçu deux. Mais il ne faut pas oublier que le prix Nobel est une institution très très récente. Quand elle reçoit le prix Nobel en partage avec Pierre Curie et Henri Becquerel, on est en 1903, c'est le troisième la troisième année où on décerne ce prix Nobel-là. et que dès la première année du prix Nobel, des femmes ont été nominées et des femmes pouvaient proposer aussi, pas en science, c'est vrai, plutôt en littérature, mais des femmes pouvaient proposer des futurs de lauréats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le prix Nobel n'est pas une académie des sciences qui a 400 ans d'histoire masculine derrière elle. C'est une nouvelle institution. Les chimistes et les physiciens, en tout cas les chimistes qui désignent les nommés, ont tous déjà travaillé avec des femmes. Donc oui, Marie Curie est la première femme prix Nobel, mais elle est aussi la première femme lauréate de la médaille Davy, où là il y a un historique bien plus important d'exclusion féminine. Donc peut-être que c'est cette nomination qui prévaut dans l'acquisition de droits pour les femmes. Et puis en 1911, elle recevra un deuxième prix Nobel en chimie cette fois-ci. Oui, ce prix Nobel était déjà prévu en 1903. En fait, comme on vous a dit, la radioactivité, elle réunissait deux disciplines, chimie, physique, et on se demandait encore si c'était la radioactivité, si c'était, ça relevait du comité de chimie ou du comité de physique. Et les comités se sont accordés pour que ce soit la physique qui récompense d'abord les Curie et Becquerel, à condition qu'évidemment ne soit pas mentionnée la découverte du polonium et du radium, mais que ce soit juste pour leur travail sur les rayonnements, juste c'est vite dit, sur les rayonnements, le développement, d'ailleurs on parle de développement des découvertes de Becquerel, et qu'ensuite les comités de chimie leur remettront un prix Nobel pour la découverte du polonium et du radium. Malheureusement, Pierre Curie est décédé accidentellement en 1906, et donc c'est Marie Curie qui va recevoir seule ce prix Nobel en 1911. Camilla Maiani, est-ce qu'au début du siècle, on a conscience de l'enjeu que ça représente, la radioactivité ? Alors, je pense que ça crée beaucoup d'excitation dans les milieux scientifiques. Ça a quand même un retentissement dans la société, hein, par les médias. Nous, on a toute une revue de presse autour du prix Nobel aux Curie et de leur découverte fabuleuse. C'est clair que la découverte du radium, surtout, permet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, permet de changer d'échelle. C'est-à-dire, on se rend compte que la radioactivité au niveau de la communauté scientifique est un phénomène majeure, et ça va commencer à produire tout un tas de conséquences dans plein de domaines scientifiques. Alors un exemple que moi j'aime bien, parce qu'on va piocher un peu loin dans les sciences, on n'est pas dans la physique des particules ni atomiques, c'est que ça va permettre la reconnaissance de l'importance de la radioactivité, ça va permettre de recalculer l'âge de la Terre, on va passer de quelques millions d'années, il me semble, à 4 milliards d'années, donc c'est un calcul assez important. Donc c'est un phénomène qui a quand même un impact dans plein de domaines. Très vite, au début du siècle, on va se rendre compte que la radioactivité, tout comme les rayons X, ont un effet sur le biologique. Ça brûle les cellules. Donc le milieu médical va s'emparer aussi de cette découverte-là, tout comme il est déjà en train de faire pour les rayons X. Donc ça va avoir aussi un marché au niveau des hôpitaux, des soins. En science, ça va produire, ça va ouvrir en fait des portes à une époque où beaucoup de scientifiques de la vieille école pensaient qu'on avait déjà tout compris, alors que la radioactivité vient avec plein de mystères. Le présent travail a pour but d'exposer les recherches que je poursuis depuis plus de 4 ans sur les substances radioactives. J'ai commencé ces recherches par une étude du rayonnement uranique qui a été découvert par M. Becquerel. Les résultats auxquels ce travail me conduisit parurent ouvrir une voie si intéressante qu'abandonnant ses travaux en train, M. Curie se joignit à moi et nous réunîmes nos efforts en vue d'aboutir à l'extraction des substances radioactives nouvelles et de poursuivre leur étude. Dès le début de nos recherches, nous avons cru devoir prêter des échantillons des substances découvertes et préparées par nous à quelques physiciens. En premier lieu à M. Becquerel, à qui est due la découverte des rayons uraniques. Nous avons ainsi nous-mêmes facilité les recherches faites par d'autres que nous sur les substances radioactives nouvelles. à la suite de nos premières publications, Monsieur Gisèle, en Allemagne, se mit d'ailleurs aussi à préparer de ces substances et en prêta des échantillons à plusieurs savants allemands. Ensuite, ces substances furent mises en vente en France et en Allemagne, et le sujet prenant de plus en plus d'importance donna lieu à un mouvement scientifique. De sorte que de nombreux mémoires ont paru et paraissent constamment sur les corps radioactifs, principalement à l'étranger. Les résultats des divers travaux français et étrangers sont nécessairement enchevêtrés, comme pour tout sujet d'études nouveau et en voie de formation. L'aspect de la question se modifie, pour ainsi dire, de jour en jour. Un extrait de la thèse de Marie Curie, écrit en 1904, La recherche sur les substances radioactives, un texte disponible justement sur cette fameuse plateforme Gallica de la BNF. Alors on l'entend dans cet extrait, il y a tout de suite une effervescence autour de ce phénomène, Nathalie Pijard. Oui, il y a une effervescence, comme vous a dit Camilla, au niveau scientifique, hein, ne serait-ce que parce que c'est un nouveau champ totalement à construire, une discipline même scientifique à construire, mais ça a eu aussi un impact très rapidement dans la société, puisque on va s'imaginer que Pierre Curie et d'autres hein, au niveau international vont penser que des petites ampoules de radon ou de sel de radium, puisque ça nécrose les mains du scientifique qui travaille avec la radioactivité, ça doit nécroser aussi les tumeurs dermatologiques. Et ainsi, toujours utilisant son réseau, Pierre Curie va donner des petites ampoules de radon et de sel de radium à un médecin, Henri Danlos, pour qu'il les applique sur c'est un dermatologue, sur la peau. Alors il va d'abord les appliquer sur le lupus, hein, ça va rien faire, mais il va aussi les appliquer sur des tumeurs dites cancéreuses. Et là, on va s'apercevoir, alors il n'est pas le seul, hein, on va s'apercevoir que la radioactivité nécrose la tumeur jusqu'à la faire disparaître. Et quand on enlève la dose de radioactivité de cette tumeur, la peau petit à petit se régénère. Donc, on est là devant un phénomène de guérison de cancer, maladie connue depuis plus de 2000 ans, mais réputée incurable. Donc évidemment, toute la médecine va se concentrer sur cette découverte, mais on va aussi penser petit à petit que puisque le radium guérit une maladie dite incurable de la peau, est-ce que ce radium ne serait pas bon préventivement ? Et donc va se développer toute une industrie cosmétologique autour du radium, des crèmes pour le visage, des lames de rasoir qui préviendraient les cancers. Oui, j'ai même entendu parler d'une fontaine de radium. Oui, mais la fontaine de radium, c'est vrai qu'elle était plus dangereuse que le reste, parce que le radium étant tellement cher, tellement difficile à purifier, dans les autres produits, on estime qu'il n'y en avait pratiquement pas. Ça, c'est les études de deux historiens de la pharmacie, hein, Lefebvre Rénal, voilà, qui montrent qu'en fait, il y avait pratiquement plus de radium dans ces produits-là. Par contre, les fontaines de radium, c'était des capsules de sel de radium dans lesquelles on devait faire passer l'eau qu'on devait boire ou se baigner dedans. Alors là, c'était bien plus dangereux. Ceci étant, ça coûtait tellement cher qu'il n'y en avait pas tant que ça de loin. C'était pas toute la société qui pouvait s'en acheter. Donc, le mal a été quand même assez limité. La chasse à l'uranium est déclenchée. Le commissariat à l'énergie atomique se portant acheteur de tout minerai d'uranium découvert en France, une fièvre a saisi les foules et le compteur de Gégère, passé aux mains des camelots, va devenir aussi banal que le stylo à billes et la note du percepteur. L'uranium de poche qui vous permettra de détecter l'uranium. Tenez par exemple dans mon petit tube ici, 817 neutrons femelles. et 800, 918, je crois, mâles, un vrai harem, qui permet de donner naissance au petit isotope, le petit isotope étant la source de l'uranium. Dans combien de familles allons-nous voir fleurir la panoplie du parfait prospecteur d'uranium? Déjà, tous les esprits sont tendus vers cette recherche qui peut, d'un coup de pioche, faire un milliardaire. Et tel de nos amis a commencé ses prospections au plus proche. Pendant que madame, pour ne pas perdre un instant, poursuit en promenant bébé son enquête personnelle. La réussite est peut-être au coin du bois. Tiens, une piste sérieuse, le compteur exulte. Hélas, c'était trop beau. La ruée vers l'uranium en 1956, hein, sur la radioactivité qui est très présente dans l'imaginaire des gens. Mais pour rester toujours au début du siècle, à partir de quand se rend compte qu'il peut y avoir une contamination ou un quelconque danger, Camilla Mayani? Du moment où, dès 1901, on se rend compte que la radioactivité brûle, les émissions radioactives brûlent les cellules, on est conscient du fait que ça peut être dangereux, ça peut être utilisé en médecine, mais ça peut être aussi dangereux. Ensuite, il y a tout un tas d'effets de plus long terme qui vont être tout doucement et de manière assez irrégulière compris. Il faut savoir que la radioactivité, le domaine de la radioprotection, dont je ne suis pas experte, je le dis tout de suite, mais est très complexe parce que selon le type de radiation, donc le type d'éléments chimiques, le mode de absorption, hein, si on mange du radium, ça n'est pas aussi dangereux que si on le respire ou si on l'a à côté, est très très complexe. Et donc on va en comprendre petits bouts jusqu'aux années du nucléaire, en fait. C'est c'est avec, malheureusement, l'explosion des bombes d'Hiroshima et Nagasaki qu'on va avoir un vrai échantillon statistique de victimes de l'empoisonnement radioactif. Avant ça, il y a d'autres cas importants, comme celui des Radium Girls, des ouvrières qui travaillaient avec des peintures radioactives et qui en ingéraient des petites quantités. Ce sont des cas qui ont eu lieu au début des années 20, où on a commencé à prendre conscience que voilà, il pouvait y avoir des conséquences de moyen à long terme lorsqu'on ingérait par exemple du radium. Nathalie Pijard, sur la dangerosité du radium? Alors, sur la dangerosité du radium, en fait, oui, on savait que ça nécrosait, que il y avait Claudius Regaud, le co-directeur de l'Institut du radium, biologiste, qui travaillait avec Marie Curie, qui avait imposé des prises de sang régulières aux gens du laboratoire Curie. Donc, on connaissait ce danger. Mais comme dit Camilla, on savait pas si le polonium était plus dangereux que le radium, qui était plus dangereux que l'uranium. Est-ce que c'était parce qu'on l'inhalait, on le touchait? Et ce n'est qu'en 1925, avec cette histoire des Radium Girls, qu'on date, peut-être à tort d'ailleurs, les premières préoccupations de radioprotection, notamment avec une commission d'études sur l'impact du radium sur les travailleurs de l'industrie du radium. Mais c'était surtout à viser pour toutes les usines de peinture au radium qui existaient en France, suite justement au scandale des Radium Girls aux États-Unis. Ceci dit, si on commençait à protéger les scientifiques et que cette commission en 25 demande à ce que les travailleurs dans les usines soient protégés, on ne protégeait toujours pas les mineurs qui extrayaient les minerais d'uranium. Et c'est une époque où on cherche de l'uranium, effectivement, et du radium partout en France. Donc, près de Auxerre, près de Saint-Rémy-sur-Durolle, à La Chaux, on a comme ça des prospections de mines, et là, les mineurs ne sont pas encore protégés. C'est bien plus tard qu'on va réglementer réellement la radioprotection. Notre analyse démontre qu'il y a une certaine redistribution moléculaire dans la structure des cellules de votre corps. Et vous croyez que c'est ça qui me rapetisse? Oui, en effet, je le crois, Monsieur Carré, c'est pourquoi je vous ai fait venir. Avez-vous été exposé à des émissions radioactives ces 6 derniers mois? Oh non, il n'y a pas de doute, je ne connais personne dans ces milieux-là, je travaille dans la publicité. Scott, rappelle-toi, quand nous étions sur le bateau. Le bateau? Oui, celui de ton frère, rappelle-toi. Oui, je me rappelle, mais... Le brouillard. Le brouillard. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Nathalie Pijard, hein, vous évoquez à l'instant l'industrie du radium. C'est une industrie qui se met rapidement en place ? Qui se met assez rapidement en place. Déjà, elle se met en place pour répondre à un besoin des scientifiques et des médecins. Donc, on a Armet de Lille qui modifie son usine de quinine en 1904 pour en faire une usine de purification du radium. Mais on a aussi, à partir des années, juste après la Première Guerre mondiale, toute une industrie qui va jouer sur, en fait, la propriété phosphorescente du radium. Donc, c'est l'armée américaine qui va vouloir que ses soldats puissent lire l'heure la nuit et donc inventer cette peinture au radium. Et à partir de ce moment-là, dans chaque foyer, on voulait sa montre, son réveil à la peinture de radium. Ce n'était pas tant dangereux pour les utilisateurs que pour ceux qui les fabriquaient, effectivement. Alors Camilla Mayani, à partir de quand on a conscience que la radioactivité est liée à l'énergie ? Alors, qu'elle est liée à l'énergie, dès tout de suite, c'est une des questions qui sont fondamentales, qui sont soulevées par la découverte de la radioactivité, parce que ce qu'on observe, on ne sait pas quel est le processus à ce moment-là, mais quand on découvre d'abord les rayons uraniques et puis le polonium et le radium, on observe qu'en fait, il y a juste des matériaux qui émettent de l'énergie à tout moment. Et on se demande d'où vient cette énergie, et c'est une question qui ne va pas avoir de réponse pendant un temps, parce qu'il va falloir d'abord que les physiciens comprennent la structure atomique et les raisons de cette émission avant de pouvoir y répondre. Et ça justement, ce moment de compréhension, ce moment de bascule, ça arrive un peu plus tard dans l'histoire, c'est-à-dire avec l'invention de la radioactivité artificielle ? Alors non, même avant ça, en fait, en parallèle de tout ce qu'on est en train de décrire, avec un regard très français, en fait avec un angle très français, très centré sur les labos Curie qui sont très industriels, très liés à la chimie, à la séparation des éléments radioactifs, à l'industrie du radium, il y a toute une école qui se développe surtout autour de la personne de Ernest Rutherford, qui voyage entre un pays et l'autre, mais disons dans le monde anglo-saxon, qui s'intéresse à la nature de la radioactivité et qui va vraiment expérimenter à partir de la découverte, à partir de 1899, autour de la radioactivité. Et Rutherford lui-même va être à la base de tout un tas de découvertes, la caractérisation des rayons radioactifs, alpha et bêta, compréhension avec Soddy de la désintégration radioactive, ce qu'on a discuté brièvement au début, de pourquoi est-ce qu'il y a cette émission de particules et d'énergie. Et puis surtout, il va découvrir que l'atome n'est pas une boule d'éléments inséparables, mais qu'elle est constituée d'un noyau. Et que ce noyau atomique, c'est de là que la radioactivité vient. Et la fission nucléaire. Et de là, on arrive, alors avec une génération de scientifiques de plus, on arrivera à la fission nucléaire, effectivement. Et c'est en comprenant les pouvoirs destructeurs de la fission de la fission de l'atome, qui sera utilisée comme arme, puis comme générateur d'électricité. Merci en tout cas à vous deux pour cette histoire de la découverte de la radioactivité, pour notre générique de fin. Impossible de ne pas penser au tube du groupe Kraftwerk, Radioactivité. Merci Madame Curie, merci à toute l'équipe de Reka, Anne Toscan-Vuides, Mariam Ibrahim, Antonin Berger, Eleonore Pérez pour la préparation de cette émission, Nicolas Berger à la réalisation et Félix Delacour à la technique. Demain, avant de partir en week-end, nous parlerons de l'invention des robots, demain à 16h, mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer. France Culture. L'esprit d'ouverture.